بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد نكونتيني avec le hadith suivant وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit le صيام du jour de عرفة à عرفة. Ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dawud et d'autres est daif. Ce hadith est faible car il y a dans la chaîne de transmission Mahdi al-Abdi. Donc ici on va s'intéresser au siyam du jour de Arafat lorsqu'on se trouve à Arafat. Arafat qui est un des lieux des rites du Hajj. Alors certains savants ont dit que cela était interdit. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on vient de lire. Le prophète alayhi salat wa salam a interdit le siyam du jour de Arafat à Arafat. Mais on a vu que ce hadith était daif. Ce hadith est faible. Et la majorité des savants est d'avis qu'il est recommandé de ne pas jeûner ce jour-là. Ils se sont appuyés sur un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim où le prophète alayhi salat wa salam se trouvait à Arafat et il était en train de faire un sermon aux gens. Et donc on lui a apporté une coupe qui contenait du lait et il l'a bu devant tout le monde pour montrer qu'il n'était pas en train de jeûner. Donc ils en ont déduit qu'il est recommandé de ne pas jeûner ce jour-là. Et également les savants ont dit que celui qui a accompli le hajj, eh bien ce jour-là, il a besoin de faire certaines choses. Par exemple, il a besoin de se rendre de Mina à Arafat. Donc, s'il jeûne, eh bien, le siyam risque de l'affaiblir. Donc, ils ont dit qu'il vaut mieux ne pas jeûner ce jour-là pour pouvoir accomplir les rites du Hajj. طيب, on continue avec le hadith suivant. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Celui qui jeûne perpétuellement n'a pas jeûné ». Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans une version de Muslim, « Celui qui jeûne continuellement n'a ni jeûné ni rompu son siyam ». Donc ici, on va s'intéresser à siyam al-dahr, qui est le fait de jeûner perpétuellement, le fait de jeûner tous les jours, hormis bien sûr les jours où il est interdit de jeûner, comme les jours du Eid. Alors, les savants ont cité qu'il était réprouvé de jeûner perpétuellement. C'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, également Ibn al-Qayyim. Donc, ils ont réprouvé cela. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on vient de lire. « La somme man somme al-abad » Celui qui jeûne perpétuellement n'a pas jeûné. Alors, les savants ont expliqué que le sens de ce hadith était soit une dua. C'était soit une dua du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une invocation du prophète, contre celui qui jeûne perpétuellement. Ou soit, c'est un khabar, c'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wasalam, nous informe que celui qui jeûne perpétuellement, que celui qui jeûne tous les jours, n'obtiendra pas la récompense de son siyam. Et donc, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, eh bien, jeûner perpétuellement va à l'encontre de l'ordre du prophète, alayhi salatu wasalam. Et celui qui veut obtenir la récompense doit suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Et le prophète nous a informé que le jeûne le plus aimé d'Allah Azza wa Jal était le siyam de Daoud. Qala ahabbu siyam ilallah siyam Daoud. Le siyam le plus aimé d'Allah est le siyam de Daoud, qui consiste à jeûner un jour et rompre un jour. Donc celui qui veut obtenir la plus grande des récompenses doit suivre la sunna du prophète alayhi salat wa salam. On passe à ce qui concernait l'i'tikaf, la retraite spirituelle, et également qiyam Ramadan, le fait d'accomplir la salat pendant les nuits de Ramadan. Alors, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit من قام رمضان, c'est-à-dire celui qui prie les nuits de Ramadan. إيمانا, avec foi. C'est-à-dire qu'il faut avoir foi en ce qu'Allah Azza wa Jal nous a réservé comme récompense. On doit attendre la récompense d'Allah Azza wa Jal. On doit espérer la récompense d'Allah. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous accorde cette récompense énorme qui est qu'il nous pardonne nos péchés. Alors ici, une question se pose. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne les petits péchés ou les grands péchés? L'imam al-Nawawi a cité que le sens du hadith était qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne as-sagha'ir, c'est-à-dire les petits péchés. Quant aux grands péchés, eh bien, il faut faire tawba, il faut se repentir des grands péchés. Mais rien n'empêche qu'Allah Azza wa Jal yukhaffif an al-kaba'ir, c'est-à-dire qu'Allah azawajal allège nos grands péchés. Et ce qui appuie ce sens-là est ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, as-salawat al-khams, wal-jum'a lil-jum'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat ma baynahunna idha ijtanabat al-kaba'ir. Il a informé que les cinq salats quotidiennes, et également le fait d'accomplir la salat al-jum'a jusqu'à la semaine suivante, jusqu'au jour suivant, jusqu'au vendredi prochain, et également le fait d'accomplir le ramadan d'un mois à un autre, eh bien, cela permettait d'expier les péchés à condition de s'écarter des grands péchés. Donc, ce hadith indique qu'Allah Azzawajal nous pardonne les petits péchés. Quant aux grands péchés, eh bien, il faut faire tawbah, il faut se repentir des grands péchés. Mais rien n'empêche qu'Allah Azzawajal allège des grands péchés. Donc, le mourad, le sens voulu dans ce hadith est Salat al-Tarawih, comme l'a cité l'imam al-Nawawi. Donc, c'est celui qui accomplit Salat al-Tarawih. Et une petite faïda ici, pourquoi est-ce que Salat al-Tarawih a été nommé ainsi? Pourquoi cette salat a été nommée Tarawih? Alors, la réponse est ce qu'a cité al-Hafid ibn Hajar, qui a expliqué que cette salat a été nommée Tarawih, car الناس كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. Eh bien, les gens كانوا يستريحون. Donc, ça vient du verbe يستريح. C'est-à-dire que les gens marquaient un temps de repos, se reposaient, marquaient un temps de pause entre chaque deux rak'a. Donc, après avoir accompli deux rak'a, ils se reposaient. Ils marquaient un temps de pause, un temps de repos. Donc, التراويح vient de يستريحون, c'est-à-dire se reposer, le fait de marquer une pause, le fait de se reposer. Voilà l'origine du mot Tarawih. Puis, on va répondre à une autre question. Est-il préférable d'accomplir Salat al-Tarawih à la maison ou au masjid? La majorité des savants est d'avis qu'il est préférable d'accomplir Salat al-Tarawih au masjid, à la mosquée. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, poussait les gens à faire cela, incitait les gens à faire cela. Et d'autres savants ont dit qu'il était préférable de l'accomplir à la maison. Ils se sont appuyés sur un hadith rapporté par le Bukhari Muslim où le prophète alayhi salatu wasalam a dit فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا صَلَاتِ الْمَكْتُوبَ. Il a informé que la meilleure des salats était celle accomplie à la maison, hormis les salats obligatoires. En ce qui concerne les salats obligatoires, eh bien, il faut les faire au masjid, à la mosquée. Mais en ce qui concerne les salats supplémentaires, eh bien, il est préférable de les faire à la maison. Donc, ils ont donc déduit qu'il est préférable de faire salat tarawih, qui n'est pas obligatoire, mais seulement recommandé à la maison. Mais l'avis le plus juste est le premier avis, qui est qu'il est préférable de faire salat tarawih au masjid. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait cela. Donc, il accomplissait la salat, et les gens venaient accomplir la salat derrière lui. Puis, il a délaissé cela de crainte que cette salat-là ne devienne obligatoire pour sa umma, pour sa communauté. Donc, il l'a délaissé de crainte qu'elle ne devienne obligatoire. Et Cheikh Mohamed bin Hizam a expliqué qu'il était plus facile, plus motivant de prier lorsque d'autres personnes accomplissaient la salat avec nous. Il se peut que si on reste chez nous, on va se dire par exemple, je vais me reposer un petit peu, je vais dormir un petit peu, puis qu'on rate cette salat-là. Donc il se peut qu'on rate Qiyam al-Layl, il se peut même qu'on rate Laylatul Qadr à cause de cela. Donc il est préférable de l'accomplir au masjid. Et d'ailleurs, les musulmans, depuis toujours, ont fait cela. Ils ont toujours emprunté cette voie-là, qui est le fait d'accomplir salat tarawih au masjid, à la mosquée. On passe au hadith suivant. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة. Lors des 10 derniers jours de Ramadan, le prophète عليه الصلاة والسلام serrait son panier. Alors on va expliquer que signifie cette expression. Alors les savants ont expliqué que cela signifiait que le prophète عليه الصلاة والسلام s'écartait de ses épouses. Ils ont également cité que c'était le fait de fournir encore plus d'efforts lors des 10 derniers jours de Ramadan. Et ils ont cité que les deux sens étaient possibles. Donc les deux sens sont possibles. Donc en résumé, le prophète alayhi salatu wassalam se consacrait à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les 10 derniers jours de Ramadan. Voici le sens de l'expression. Wa ahya layla, et il veillait la nuit. Wa ayqadha ahlahu, et le prophète alayhi salatu wa salam, réveillait les membres de sa famille. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, on tire comme profit que le chef de famille doit réveiller les membres de sa famille pendant ces 10 derniers jours-là pour les encourager et les motiver à accomplir cette adoration-là. وعنها toujours d'après Aïcha, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. Donc Aïcha rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام accomplissait l'i'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah عز وجل recueille son âme. ثم اعتكف أزواجه من بعدي. Puis après sa mort, après son décès, eh bien, ses femmes continuaient à faire la même chose. Elles continuaient à accomplir l'i'tikaf. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. وعنها toujours d'après elle, قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. Aïcha rapporte également que lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام voulait accomplir l'i'tikaf, il accomplissait salat al-fajr puis se rendait dans son lieu de retraite. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. وعنها toujours d'après elle, قالت إن كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرحله. Elle rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام lui tendait la tête alors qu'il se trouvait à l'intérieur du mesjid et elle lui peignait les cheveux. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. Et il ne rentrait à la maison qu'en cas de besoin. Il ne rentrait à la maison qu'en cas de nécessité. إذا كان معتكفا lorsqu'il accomplissait l'i'tikaf. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. وعنها قالت toujours d'après Aïcha السنه على المعتكف ان لا يعود مريضا. Elle a dit que la sunna pour celui qui accomplit l'i'tikaf est de ne pas visiter de malade. ولا يشهد جنازة, également de ne pas assister à une janaza, à un enterrement. ولا يمس امرأة ولا يباشرها, également de ne pas toucher ni d'avoir de rapport avec une femme. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه, également ne pas sortir qu'en cas, également ne sortir qu'en cas de besoin, ne sortir qu'en cas de nécessité. ولا اعتكاف إلا بصوم, et il n'y a pas d'i'tikaf sans siyam, sans jeûner. وَلِعْتِكَافِ إِلَّا فِي مَسْجِدْ جَامِعَ. Également, il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans une mosquée où les gens se rassemblent pour accomplir les salats quotidiennes. Alors, ce hadith a une faiblesse. Ce hadith a été critiqué. Donc, les savants ont dit qu'en fait, ce hadith n'était pas les paroles de Aïcha radiallahu anha. C'est ce qu'a cité l'imam al-Bayhaqi qui a dit que ces paroles-là n'étaient pas les paroles de Aïcha radiallahu anha. Donc ce hadith là a une faiblesse. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. طيب, donc Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah عليه الصلاه والسلام a dit celui qui est en i'tikaf n'est pas tenu de jeûner sauf s'il se l'impose pour lui-même. Ce hadith ne remonte pas au prophète alayhi salatu wa salam. Ce hadith ne fait pas partie des paroles du prophète alayhi salatu wa salam. En fait, ce hadith remonte à Ibn Abbas. Donc, ce sont les propos d'Ibn Abbas. Ce hadith-là est mawquf. Alors ici, on va s'intéresser à l'i'tikaf. On va commencer par la définition de l'i'tikaf. Alors, l'i'tikaf, dans la langue arabe, signifie « luzum shay wa habs nafs alayhi ». C'est le fait de s'attacher à quelque chose, le fait de demeurer vers quelque chose, de rester vers quelque chose. Comme Allah Azza wa Jalla dit, « Ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun ». Donc le verset désigne les mushrikoun, les polythéistes, qui demeurent à côté de leur tamathil, de leurs statues, de leurs idoles, et donc qui s'attachent à elles. Donc voilà le sens dans la langue arabe. « Wa sharan al-maqam fil masjid min shakhs makhsous ala sifat makhsousa ta'abbudan lillahi ta'ala ». Donc, l'i'tikaf, dans le sens religieux, signifie le fait de demeurer à la mosquée. C'est le fait de rester à la mosquée, mais en respectant certaines choses. Ala sifat makhsousa. Donc, c'est quelque chose de spécifique. Il y a des conditions à respecter. Par exemple, on n'a pas le droit de sortir de la mosquée sans besoin. sans aucune nécessité. Donc il y a des shorot, il y a des conditions à respecter. Ta'abbudan lillahi ta'ala, dans le but d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut avoir cette intention-là, cette niya-là. Alors, ma hukm l'i'tikaf. Alors, l'i'tikaf est mustahab. Il est recommandé d'accomplir l'i'tikaf. Avec pour preuve les hadiths qu'on vient de lire et également la parole d'Allah Ta'ala, وَلَا تُبَاشِرُونَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ne jouissez pas de vos femmes quand vous êtes en i'tikaf fil al-masajid, dans les mosquées. Donc l'i'tikaf est mustahab, est quelque chose de recommandé. Question suivante. Si une personne débute l'i'tikaf, est-ce qu'il lui est obligatoire de terminer cet i'tikaf-là ou lui est-il permis de l'arrêter à tout moment? Alors, l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed et d'autres ont dit qu'il n'était pas obligatoire de terminer l'i'tikaf. La personne pouvait arrêter l'i'tikaf à tout moment. Car il n'y a aucune preuve qui indique qu'il est obligatoire de terminer l'i'tikaf. Et il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim où le prophète alayhi salat wa salam a voulu faire l'i'tikaf. Donc, il voulait accomplir l'i'tikaf. Il a demandé à ce qu'on lui dresse une khiba. Khiba, c'est une khayma. Et donc, il a demandé à ce qu'on lui dresse une tente dans la mosquée. Donc, on lui a dressé une tente dans la mosquée. Puis, Aïcha, radiallahu anha, a demandé la même chose. Elle a demandé à ce qu'on lui dresse une tente dans la mosquée. Et il lui a donné l'autorisation. Puis, Jad Hafsa aussi, a demandé la même chose. Et le prophète lui a dit oui. Puis, également, Zainab a demandé la même chose. Puis le lendemain, le prophète, alayhi salatu wasalam, après avoir accompli salat al-fajr, eh bien, il a vu toutes ces tentes-là. Et quand il a vu toutes les tentes dans la mosquée, eh bien, il a décidé de ne pas accomplir l'i'tikaf. Et il a décidé d'accomplir l'i'tikaf au début du mois de Shawwal. Donc ici, les savants en ont déduit que le prophète, alayhi salatu wasalam, a arrêté l'i'tikaf. Il n'est pas allé jusqu'au bout de son i'tikaf. Et d'autres savants, comme l'imam Malik, ont dit que celui qui commence l'i'tikaf et qui l'arrête, eh bien, devra rattraper cet i'tikaf-là. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on vient de lire. Ils ont dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, a rattrapé cet i'tikaf au début du mois de Shawwal. Mais le premier avis est l'avis le plus juste. C'est-à-dire que celui qui débute l'i'tikaf, il ne lui est pas obligatoire de terminer cet i'tikaf. Et en fait, le prophète, alayhi salatu wasalam, a fait ces jours-là, non pas par obligation. Il a fait ces jours d'i'tikaf au début du mois de Shawwal, non pas parce que c'était une obligation. Il l'a fait de façon supplémentaire. Donc, il l'a fait de son propre gré. Et ce n'était pas un rattrapage de son i'tikaf passé. Et avec pour preuve que le prophète, alayhi salatu wasalam, n'a pas ordonné à ses épouses de rattraper cet i'tikaf-là. Donc, le plus juste est qu'on peut arrêter l'i'tikaf à tout moment, car ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. La question suivante est, est-il obligatoire de jeûner lorsqu'on accomplit l'i'tikaf? Alors, certains savants, comme l'imam Malik, Layth, Abu Hanifa et d'autres, ont dit qu'il était obligatoire de jeûner lorsqu'on accomplit l'i'tikaf. Ils se sont appuyés sur le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qu'on a lu, l'i'tikaf illa bisawm, point d'i'tikaf, si ce n'est avec le siyam, si ce n'est en jeûnant. Or, on a vu que ce hadith-là avait une faiblesse. D'accord ? On a vu que ce hadith-là n'était pas authentique. Et il est parvenu également un autre hadith, « I'atakif wa soum » où le prophète, alayhi salatu wasalam, aurait dit « I'atakif, accomplit l'i'tikaf et jeûne ». Or, ce hadith est également faible. Et d'autres savants ont dit qu'il n'est pas obligatoire de jeûner lorsqu'on accomplit l'i'tikaf. Et c'est l'avis le plus juste. C'est l'avis d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et c'est l'avis également d'Imam Shafi'i et d'autres savants. Et ils ont cité qu'il n'y a aucune preuve authentique qui indique qu'on devait jeûner lorsqu'on accomplit l'i'tikaf. Et les hadiths qu'on a vus ne sont pas authentiques. La question suivante est « El yushtarat li l'i'tikaf en yakun fil masjid ». Est-ce que l'i'tikaf doit forcément se faire dans une mosquée ou pas? Ou peut-on faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle, par exemple, à la maison? L'imam Ibn Qudama a cité en ce qui concerne les hommes, قال, ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. Il a dit qu'en ce qui concerne les hommes, eh bien, l'i'tikaf devait se faire obligatoirement à la mosquée. et il a dit qu'il ne connaissait aucune divergence entre les savants à ce sujet-là. Et les savants ont cité comme condition pour cette mosquée qu'on accomplisse les 5 salats obligatoires dans cette mosquée-là. Donc il faut qu'on accomplisse les salats obligatoires quotidiennes dans cette mosquée-là. Sinon, eh bien, le mu'takif devra sortir à chaque fois, ce qui est contraire à l'i'tikaf. Et en ce qui concerne les femmes, eh bien, les femmes également doivent accomplir l'i'tikaf dans une mosquée. Cheikh Mohamed bin Hizam a dit, par contre, en ce qui concerne les femmes, eh bien, il n'est pas conditionné que ce soit une mosquée où on accomplit les 5 salats obligatoires. Car les 5 salats obligatoires en commun ne sont pas obligatoires pour les femmes. Donc voilà l'avis le plus juste. La question suivante est « Aqal miqdar li l'i'tikaf ?» Quelle est la durée minimum de l'i'tikaf ? Certains savants ont dit qu'il n'y avait pas de durée minimum li l'i'tikaf, qu'il n'y avait pas de durée minimum. C'est l'avis, entre autres, de l'imam Shafi'i, de Daoud et d'autres. Ils ont dit que l'i'tikaf était valable même s'il ne durait qu'une heure. Et d'autres savants ont dit que le minimum pour un i'tikaf était un jour et une nuit. C'est l'avis de l'imam Malik, d'Abu Hanifa et d'autres. Car ils ont dit que c'était le minimum qui est parvenu dans l'épreuve. Tayyip. Et Cheikh Mohamed Mouhizem est revenu sur son avis. Auparavant, il penchait vers le premier avis qui est qu'il n'y a pas de durée minimum pour l'i'tikaf. Puis, il est revenu sur cet avis-là en disant que le fait de dire qu'il n'y a pas de durée minimum lui causait une gêne. En effet, le fait de dire qu'on puisse faire un i'tikaf d'une heure ou d'une demi-heure causait une gêne. Car le prophète, alayhi salatu wasalam, n'a jamais incité les compagnons à effectuer un i'tikaf d'une petite durée, que ce soit une heure ou deux heures ou autre. D'accord ? Et également, le prophète, alayhi salatu wasalam, demeurait au masjid, il demeurait à la mosquée. Par exemple, après salat al-fajr, eh bien, il restait à la mosquée. Et jamais il n'a considéré cela comme étant un i'tikaf. Donc, Cheikh Mohamed bin Hizam est revenu sur cet avis-là en disant qu'il était plus sûr d'effectuer un i'tikaf d'un jour et d'une nuit. La question suivante est-il permis de sortir de la mosquée pour effectuer ses besoins ? La réponse est que tous les savants sont d'accord pour dire qu'il est permis de sortir de la mosquée pour effectuer ses besoins. Il n'y a aucune divergence à ce sujet-là, comme l'a cité entre autres l'imam Ibn Qudama. Une autre question semblable est-il permis de sortir pour une autre raison qu'accomplir ses besoins ? Alors, l'imam Ibn Qudama a expliqué qu'il était permis de sortir pour d'autres raisons. Par exemple, comme pour sortir pour aller ramener de la nourriture, de la boisson, autre. Donc dans ce cas-là, il est également permis de sortir. En cas de besoin, en cas de nécessité, il est permis de sortir de la mosquée. « Waqal, ma lam yutil ». Par contre, il a rajouté cette précision-là qui est qu'il ne faut pas tarder. Donc la personne doit accomplir, elle doit faire ce qu'elle a à faire et rentrer directement à la mosquée. Elle ne doit pas tarder. Il a également cité qu'il était permis de sortir, par exemple, pour accomplir Salat al-Jumu'ah, la Salat du vendredi. Si le mu'takif se trouve dans une mosquée où on n'accomplit pas la prière du vendredi, eh bien il lui est permis le vendredi de sortir pour accomplir Salat al-Jumu'ah, puis de revenir. Une autre question est-il permis de sortir pour visiter un malade ou pour assister à une janaza, à un enterrement ? La réponse est qu'il n'est pas permis de sortir pour visiter un malade ou pour assister à salat janaza, car cela n'est pas une obligation. Donc l'avis le plus juste est qu'il n'est pas permis de sortir pour ces choses-là, car ce ne sont pas des choses obligatoires. La question suivante est « Que se passe-t-il si une personne a des rapports sexuels alors qu'elle accomplit l'i'tikaf ?» La réponse est que cela invalide son i'tikaf en raison de la parole d'Allah Ta'ala « وَلَا تُبَشِّرُونَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » « Ne jouissez pas de vos femmes alors que vous accomplissez l'i'tikaf fil masajid » dans les mosquées. Et les savants ont expliqué que le sens de l'mubashara ici dans le verset était le fait d'avoir des rapports avec son épouse. Donc le fait d'avoir des rapports alors qu'on accomplit l'i'tikaf, invalide l'i'tikaf. Et enfin, la dernière question est, quand débute l'i'tikaf pour celui qui veut accomplir l'i'tikaf dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan ? Alors, certains savants ont dit que l'i'tikaf débutait après avoir accompli Salat al-Fajr du 21e jour. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on a lu, où lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait accomplir l'i'tikaf dans les 10 derniers jours de Ramadan, eh bien, il accomplissait salat al-fajr, puis se rendait dans son lieu de retraite. Et d'autres savants ont dit que cela commençait au coucher du soleil du 20e jour. Pourquoi ? Car les nuits précèdent les journées. Donc, la nuit du 21 précède la journée du 21. Donc, cela commence au coucher du soleil du 20e jour. Et cet avis-là est l'avis le plus juste. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Mouqbal, rahmatullah alayhi. Ils ont expliqué que le sens du hadith, du premier hadith, était qu'en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, était déjà en i'tikaf. Il avait déjà commencé son i'tikaf la veille. Mais il se rendait dans son lieu de retraite après avoir accompli salat al-fajr. Donc, il avait déjà commencé l'i'tikaf la veille, puis il accomplissait salat al-fajr et se rendait dans son lieu de retraite. Comme par exemple, ça peut être une khayma, ça peut être une tente, comme on a vu dans le hadith où ils avaient dressé une tente au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, voilà le sens du hadith. Donc voilà pour ce dars où on a traité majoritairement des hadiths qui étaient relatifs à l'i'tikaf, à la retraite spirituelle. Wa ilayna wa alhamdulillahi rabbil alamin.